feu crépite, la nuit s'efface. Les ombres dansent dans la forêt tenace. Rider Skill marche silhouette fière. Sous la rosée, il brave la lumière. Les gouttes tombent, mélodie douce. Dans l'air chargé, l'espoir pousse. Les pas résonnent sur le sol humide. Les âmes prient même dans le vide. Sur Twitch, les drops tombent en cadence. Chaque son écrit une nouvelle danse. Riders Kill sent la force monter. Dans chaque note, un monde à sauver. La forêt murmure des légendes. Dans l'ombre, la lutte s'amplifie. Les voix s'élèvent. Puissante et vraie, elle brise la nuit et la douleur cachée. Les prières montent vers les cieux. Dans chaque note, un souffle précieux. Sur Twitch, la communauté s'unit. Chaque drop rallume l'infini. Le gospel embrase les cœurs. Dans cette lutte, la foi demeure. Voices rise through darkest night. Riders kill it with burning lights. Drops rain down like healing fire. Together we will never tire. Twitch calls out. Pas lourd, Riders Kill fend l'air, fend le jour. Chaque drop est une promesse. Dans la nuit, un cri, une caresse. Sur Twitch, la foule s'enflamme. Dans chaque battement, une flamme. Le feu sacré éclaire la nuit. Dans cette lutte, on croit, on suit. On reconstruit sur des cendres froides. Chaque perte devient une ode. La foi grandit. Sur Twitch, il garde le port. Chaque drop est un souffle nouveau. Dans cette nuit, un chant plus haut. Le vent hurle, la terre tremble. Dans le silence, la lumière assemble. Riders Kill guide, main levée. Vers un futur jamais brisé. Les pas battent un rythme sacré. Sur Twitch, la nuit est sacrée. Chaque drop, un cri de liberté. Dans ce combat, rien n'est figé. Les voix s'entrelacent, unies. Chaque note, une énergie infinie. Riders Kill avance, guerrier. Dans cette nuit, les lumières. La lumière perce la nuit sombre. Les âmes chantent libres et rondes. Sur Twitch, les drops brillent fort, chaque instant est un trésor. Le gospel monte et éclatant, dans chaque voix un chant vibrant. La foi en nous jamais ne meurt, dans ce son la vie demeure. Les ombres fuient, le jour s'élève. Riders Kill chante, la foi s'entraîne. La force est en voix et cœur, dans cette nuit. Il est la lueur. La bataille gronde dans la cité. Riders Kill avance, jamais brisé. Chaque drop est un cri de victoire. Sur Twitch, la foule est en gloire. Les voix s'unissent, puissantes. La musique est notre arme ardente. Le son uni, la force grandit. Dans cette nuit, l'espoir survit. Voices rise.